La Chine, espace animal, race terne, arrive sur Terre, puissance mondiale numéro 1, fait sur fait des guerres qui opèrent, qui aident, qui règnent. Sur Google Maps, aucune ville à l'horizon, sans l'Australie, tout l'aide. La Chine nous alimente de la nourriture réalisée par magie, car pérenne sur Terre avant la nouvelle Terre 2.1. En 2048, des récoltes émergent avec les fruits, légumes, cochons, bœufs, céréales et poissons, quatre coins de la planète. La Chine nous donnait des nouvelles technologies virtuelles qui n'a jamais été comme hier, à journée pour aujourd'hui. Les usines, première source de travail dans le monde, ont fermé suite sans suite leur suite pour leur réussite dans le globe sans globe. Le 11 septembre ont fait le gros du travail. Ils ont fait un vœu trop gros par rapport aux deux tours qui ont implosé et pas explosé. Ils ont créé des guerres pétrole, susceptibles du tensule, qui n'a ni queue ni tête. Google Maps, l'Allemagne est une histoire, guerre sur guerre, les papiers forment qui annulent la formule pour la vie. La Chine avec leur catalogue, parc d'épis et débit, forme la magie comme Magic. C'est impossible d'obtérer, je sors les outils sophistiqués, j'arrange en opération minuscule, j'articule, jette une particule alimentaire, mon cher Watson. Le peuple abattu par petits bouts en petits bouts, tous travaillent avec des plans externes et pas internes, son règne pacifié avec les États-Unis, rien à voir. Et nous emmène de la Las Vegas télévisé sur carte irréelle dans le passé, un continent sur continent, aucun ferry ici qui rit jaune. J'ai du pot, j'ai un pot qui t'offre à boire un petit calibre bien libre, dit l'arbitre. Numéro 1 mondial, la NASA ont fait des états de gadgets, ça en jette comme tous ces petits gens foutus pour foutus. On a voulu faire la paix à l'unisson comme Jack Galaxon. J'empoisonne, tiens, petit poison, fonctionne comme à la belote. On leur serre, j'interviens et je jette le petit petit à petit, tous foutus, manque de place, ils complotent. Les armes sont armées pour les États-Unis avec les meilleures que celles que cela va. Reste et encaisse, vide sont les éléments de la Chine en usine. Les appareils sophistiqués de la Chine comme les smartphones, je rentre dans la matrice, vide comme les poubelles, je nourris la planète. Je vide, je remplis, j'ajourne la nuée où tous les chats sont gris, le juste milieu du yin et du yang. La bataille devant chez moi pour que tout soit neuf à petit prix, c'est cher. J'interviens, je suis en rade, je rame, car pas de rame, équipé avec mes équipiers. Je tourne avec 4 gigos de mémoire, va la chercher, va te faire revoir. 153 de QI, j'ouvre un QI qu'en France, cette mafia est là. La richesse salement partagée, petit pays, Intermarché, les boîtes de conserve pour se nourrir, le classement mondial s'enrichit. Ajournement des prix, nouveau petit prix pour la partie qui vend quoi, qui fait quoi d'hamburger quiz. Nouveau débat, nouvelle affaire à faire et puis faire. Nouveauté, je nourris qui cate ma chaîne sur chaîne. J'arrive comme Spider-Man et là c'est le bon temps. Petite invasion science-fiction, je crée. Petit chinois fait la guerre, finit le système. La suite est le royaume, on a été remplacé par Matrix. Le singe est dans la matrice ovulaire, tout opère, j'obtère. Qui suis-je, dis, qui dit quoi? Les univers sont bien là, DBZ sur le drapeau, j'affiche 20 FIAV 2048, 4 unités terrestres.